26e chapitre. Infâme conduite de potiche du dernier des laids de manoir de Mademoiselle des Garcins et de Missouf 2. Pardon de la digression, mais nous arrivons enfin à Missouf 2. Un matin, qu'après avoir travaillé jusqu'à 3 heures, j'étais encore dans mon lit à 8, j'entendis ma porte s'ouvrir doucement. J'ai déjà dit que, si doucement que s'ouvre ma porte et si profondément que je dorme, je me réveille immanquablement à la seconde même où ma porte s'ouvre. J'ouvris donc les yeux avant même que la porte fût ouverte et comme il faisait grand jour à travers l'entrebâillement de la porte, je reconnus la tête de Michel. Michel était visiblement bouleversé. « Eh bien, monsieur, dit-il, en voilà un malheur. » « Qu'y a-t-il donc, Michel ? Il y a que ces canailles de singes, je ne sais pas comment ils s'y sont pris, mais ils ont détortillé une maille, puis deux, puis trois, enfin, ils ont fait un trou assez grand pour sortir, et ils se sont sauvés. » « Eh bien, mais, Michel, le cas était prévu. Il n'y a qu'à prendre 3 bouteilles, et acheter du blé de Turquie. « Ah oui, fit Michel, monsieur rit, mais il ne rira pas tout à l'heure. » « Mais, mon Dieu, Michel, qu'est-il donc arrivé ?»« Il est arrivé, monsieur, qu'ils ont ouvert la volière. » « Et que les oiseaux sont envolés ?»« Tant pis pour nous, Michel, mais tant mieux pour eux. » »« Il y a, monsieur, que vos 6 paires de colombes, vos 14 cailles et tous vos petits oiseaux, bengalis, coucoupés, calfas, damiers, becs de corail, cardinaux et veuves, tout est mangé. Oh, Michel, les singes ne peuvent pas avoir mangé les oiseaux. Non, mais ils ont été chercher un monsieur qui les a mangés, lui, monsieur Missouf. Ah, diable, il faut voir cela. Oh, c'est joli à voir, allez, un vrai champ de bataille. Je sautai à bas de mon lit, je passai mon pantalon à pied et m'apprêtai à sortir. Attendez, dit Michel, et voyons un peu où ils sont les brigands. Je m'approchai de la fenêtre qui donnait sur le jardin et je regardai. Potiche se balançait gracieusement, suspendu par la queue aux branches d'un érable. Mademoiselle des Garcins était encore dans la volière et bondissait joyeusement de l'est à l'ouest et du sud au septentrion. Quant au dernier des laids de manoir, il faisait de la gymnastique sur la porte de la serre. « Eh bien, Michel, il s'agit de rattraper tout cela. Je me charge du dernier des laids de manoir. Chargez-vous de Mademoiselle des Garcins. Quant au petit potiche, quand il n'y aura plus que lui, il viendra tout seul. » Oh, que monsieur ne s'y fie pas. C'est un hypocrite. Il est raccommodé avec l'autre. Comment ? Avec l'amant de Mademoiselle des Garcins ? Oui, oui, oui. Oh, voilà qui m'attriste pour la race simienne. Je croyais que ces choses-là ne se faisaient que chez les hommes. Il ne faut pas regarder ces gaillards-là comme des singes, dit Michel. Ils ont fréquenté la société. « Des Auvergnats, Michel. »« Mais monsieur n'a donc pas lu un procès en adultère qu'il y a eu dernièrement entre un Auvergnat et une Auvergnate ?»« Non. »« Eh bien, monsieur, exactement dans la même situation. Le mari a dissimulé, il a fait semblant de partir pour l'Auvergne. La même nuit, il est revenu. Et ma foi, pincé l'Auvergnate. » Que voulez-vous, Michel ? Et quand on pense que ce sont nos pièces et nos romans, à Hugo et à moi, qui sont cause de tout cela ? Enfin, il adviendra ce qu'il pourra de nos singes, mais il faut d'abord les rattraper. Monsieur est dans le vrai. Allons donc, Michel. Et nous allâmes. Il y avait certaines précautions à prendre pour arriver jusqu'aux délinquants. Ces précautions, nous les prîmes, Michel et moi, en vrais chasseurs. Et quand l'innocent potiche, qui paraissait placé en sentinelle par ses 2 complices, donna le signal, il était trop tard. J'étais maître de la porte de la serre et Michel était maître de celle de la volière. J'entrai dans la serre et je refermai la porte derrière moi. Voyant la porte fermée, le dernier délai de manoir n'essaya pas même de fuir, mais se prépara à la défense. Il s'accula dans un angle pour avoir ses flancs et ses derrières en sûreté et commença par agiter ses mâchoires d'une façon menaçante. Je me croyais assez versé dans les trois grands arts de l'escrime, de la boxe et de la savate, pour qu'un duel avec un sage capucin ne m'effraya pas beaucoup. Je marchais donc droit au dernier délai de manoir qui, au fur et à mesure que je m'approchais, redoublait de démonstrations hostiles. Potiche était accouru du fond du jardin et se dandinait pour voir à travers les vitres de la serre ce qui allait se passer entre moi et le dernier délai de manoir, encourageant celui-ci par de petites modulations de gosier tout à fait particulières. Tandis qu'à moi, son maître, il me faisait d'horribles grimaces et me crachait autant que la chose lui était possible au visage à travers les vitres. Dans ce moment, Laguenon poussa des cris féroces. Michel était la cause de ces cris, il venait de mettre la main dessus. Ces cris exaspérèrent le dernier délai de manoir. Il se ramassa sur lui-même et se détendit comme une arbalète. Par un mouvement instinctif, je parais carte. Ma main rencontra le corps du singe en pleine côte et l'envoya dessiner sa silhouette contre la muraille. Le coup était si violent que le dernier délai de manoir resta un instant pâmé. Je profitai de cet instant pour l'empoigner par la peau du cou. Le faciès rouge et enflammé 5 minutes auparavant, comme celui d'un membre du caveau moderne, était devenu pâle comme le masque de deux bureaux. « Tenez-vous, mademoiselle des Garcins ?» demandai-je à Michel. « Tenez-vous le dernier délai de manoir ?» me demanda Michel à son tour. « Oui !»« Oui !»« Bravo, alors !» Et nous sortîmes, tenant chacun notre prisonnier à la main, tandis que Potiche s'enfuyait au plus haut du seul arbre qu'il y eut dans le jardin, en jetant des cris qui ne pouvaient se comparer qu'aux lamentations d'Électre.